ihr Menschen von heute! Blickt eure Zukunft ins Angesicht! Macht euch bereit, die Menschen der Zukunft zu empfangen! Meine neue Schöpfung! Ouais, on m'a creusé un salage, c'est pas bon signe. Ah, c'est un début vers la fin. Oui. Je sais pas si je vais me rendre en Chine. Parce que c'est là que ça se passe en Chine. Tout est miniaturisé là-bas. Tout est petit, petit, petit, petit, petit. Plus petit que ça, là, c'est la petite Chine. Hey, je suis déjà aidé. Moi, on m'a déjà invité à faire une émission où Errance Rénaldienne. C'est quand RL a été appelé par la chinoise Anstingting. Comment elle s'appelait? Anstingting. Oui, merci. À vos souhaits. Là, ben, comme Gaétane, qui était ma réceptionniste à l'époque, parce que j'ai, bien sûr, mes bureaux à CKRL, j'ai ma réceptionniste. Gaétane ne maîtrise pas très bien le chinois. Bien sûr, je l'ai remplacé par une jeune demoiselle qui parle huit langues et demie. Elle prépare là, pour la neuvième. Ah, elle pratique, là. Repeat after me. Elle n'est pas très bilingue, là. L'anglais, là, ouais, pas être trilingue et quadrilingue, et silislingue, c'est ça. Ah oui, oui, elle a des belles qualités. Ah. Plus belle que ça, là, je parle des qualités. Plus belle que moi, je l'ai embauchée pour son savoir-faire. Et elle avait un regard, intérieurement, je me suis dit, avec elle, l'émission va prendre son élan, va se réveiller, va ressusciter. Hey, c'est perçant. Elle te visualise et tu miniaturerais. Tu miniaturerais, hein? Miniaturise. Miniaturerais. Tu raptisses. Rapturerais. Non, c'est rire, pas rire. Rire est parti. Rire est là, malheureusement, oui. Alors, juste le simple regard du bout de l'œil. Je me suis dit, c'est cette fille-là qu'il me faut. Elle va répondre au téléphone, là, puis les... Hein? Non, mais les citoyens et les citoyennes vont déjà... Les membres de CKRL vont vibrer. Déjà là, lorsqu'elle répond, là. Bonjour, CKRL, Rénaldienne. Allô? Je veux parler à Rénal Gagné. Oui, Rénaldienne, CKRL, bonjour. Ça va? Voulez-vous que j'appelle l'ambulance? Non. Je suis une nouvelle réceptionniste. Oh. Vous avez de beaux talents? Très beaux talents, merci. Il m'a embauché pour mon regard. Eh, monsieur. Louchez-vous? Est-ce que c'est une demande en mariage? Non, louchez-vous. Couchez-vous? Oui, ben non, je couche pas facilement, moi, là. Enfin, si vous payez, là... Non, je veux pas vous coucher avec vous, moi, là. Je vous demande simplement, avez-vous un problème oculaire? Ah, mais là, c'est une nouvelle position. Ben, moi, je suis en première position parce qu'on me dit mon champion. À chaque fois que je rentre à quelque part, on dit « Salut, champion! » J'ai dit « C'est moi, ça, le champion. C'est moi, je suis en première position. Oui, je suis champion. Oui, c'est la première position. » Ah, je ne la connais pas. Je connais la 37, la 43, je travaille la 39. Et puis? Je travaille. OK. Alors oui, je veux parler à Rénal Gagné. Oui, Errance Rénaldienne, c'est CKRL. Ah oui. Êtes-vous asthmatique? Non, pas asthmatique. Je suis pas très fort en mathématiques. J'ai pas dit mathématiques. Mais c'est madame, j'ai des problèmes avec les cours. T'as des problèmes partout, oui. On t'a embauché pour quelle motivation? J'ai le regard. Oui, j'ai le regard. C'est bon pour la radio, le regard, ça. Il devait être dans un état encore second. Ah, il embauche n'importe qui quand il est dans un état second. Ah, il serre des mains, il y a des vibrations. Ces vibrations sortent les deux oreilles. Là. Ça n'existe pas, des vibrations. Là. C'est de la foutaise, des vibrations. Hey, monsieur, t'as-tu vu la... Postillonne large, moi, là. Non, mais les gens se font avoir. Ah, mais moi, c'est les ondes. La communication spatio-temporelle. L'effervescence que tu dégages. Le allô, ça va, allô. Non, en haut, ce qui gravite, mais oui. Ce qui gravite, oui, c'est des poux. Hein, monsieur? Comment ça, vous savez ça? Mais J'ai demandé à mon perruquier. Perruquier? Ben oui, c'est celui qui prend soin de mes perruques. Non, c'est un perruquois. Un perruquier? Un perruquier? Non, il est père de 3 perruques. Ma blonde, ma rousse, puis ma jaune foncée. Je vais vous... Non, vous êtes curieuse, madame... curieuse, pointeuse, chercheuse, OK? Non, mais la jaune, c'est quand je fais... Parce que on me demande souvent de faire des petits caméos au cinéma. Et normalement, hein, j'ai la cigarette allongée. Donc, pour qu'il y ait une continuité avec la volute, les cheveux jaunes, ça va très bien. Là. Et puis, je porte très bien cette couleur. Elle est vieillotte, comme les films des années 40, 50, 53, 57, 58. Touchez pas mon cœur! 57! Hey, monsieur, 57, moi, là! J'étais heureux à cette époque-là. Il y avait des enfants qui couraient vers des horizons lointains et qui disaient, nous allons faire la résolution HD. Non, c'est les révolutions. Il n'y a rien à voir avec la HD, là, en 50, la HD en 57. Non! Arrête donc, toi! C'était... Des gens qui voient plus loin, des gens qui peuvent avoir une vision de l'au-delà. T'as un autre de l'au-delà, là, l'eau, les sentiments ésotériques, puis c'est de la poutaise. Non, c'est de la punaise. Ah, mon Dieu. Hey, c'est 3 punaises qui me sont arrivées dessus, là, puis ils m'ont piqué. Non, ça mord, ça pique des punaises. Ça pique. Non, ça pique, ça dépend, là. C'est-tu des punaises? Oui, c'est des punaises québécoises. Non, c'est pas québécoise, c'est québécoise. C'est pas une ardoise, c'est une ardoise. C'est pas asseoir, c'est assouir. C'est pas à boire, c'est à boire. Comme ça ici, là. Faut pas se tromper, la prononciation. Quand on va dans les vieux pays, là, puis tu demandes une poire. Pardon, une poire. Pardon, une poire. Là, après la 20e fois, là, t'as le goût de lui frapper sa poire. De lui dire, hey, vas-tu l'entendre? Une poire, un fruit, la poire, ta poire, la face, ton visage, là, en forme de poire. Ah, oh, mais je veux dire une poire. Ouais. Là, il fait noir à soir. J'ai le tomolo qui est en joloir. On va-tu le voir ou on va le voir? Ça, mais quand même. Chaque pays a ses constances, a sa vision, a sa prononciation, a sa culture. Mais c'est pour ça que ce soir, ça n'a aucun lien avec la culture. Pas le public. Ils aiment, hein, vous aimez? Ah oui? Ben, hein? Là, oui, mais me semble déjà étrange. C'est ah oui. Normalement, c'est ah oui. Pas ah oui. T'es une petite interrogation là, avec le point d'exclamation, mais juste en haut. Pas en bas, là. En haut. C'était dans le milieu de. Ah, le dernier était dans le milieu. Et dans le milieu, on sait bien que tout est offert, tout est comprenable, tout est perceptible, tout est magie. Alors, nous avons une émission, on y va directement au but. Et le but, merci. Mon deuxième but, vais-je avoir le tour du Charbonneau? Non, c'est Charbonneau qu'il me faut. Non, c'est le tonneau. Oh, tonneau. Parce que je tiens à... Oh, oui, ça, c'est le tonneau, le Bourjolais Moineau, le petit Moineau. C'était posé. Là, j'ai dit, j'espère qu'il n'y aura pas une flatulence là-dessus. Ils vont venir faire la télé demain, puis avec du fromage, Riomel. Là, c'est le tonneau, on voit une petite purgette blanche. Il va dire, c'est l'esthétisme. Ben oui, on le sait, on s'excuse infiniment. C'est le petit Moineau, là. Il est venu de nulle part, il est descendu, puis... Ah ouais, non. Le lendemain, la TV mondiale vient capter mon tonneau de Beaujolais Moineau. On ouvre la cuve, on trouve quelques plumes. On dit, comment ça, il y a de la plume? Ben oui, c'est Moineau, Beaujolais Moineau. Certaines, OK, il y a des compositions qu'on ne peut pas dévoiler. Nous, c'est très secret, très, très, très secret. On peut vous dire qu'on fait mal à aucun animal. Mais si vous buvez ce liquide, il est un véritable régal. Régal animal. Comprenez-vous, madame? Régal? Hein? C'est de la rimette. C'est de la poésie. De la poésie, maman. Ouais. On est loin de Beaumelaire. Oui, ben Beaumelaire. Arrêtez de m'embaumer l'air, vous, là, là. Hein? C'était un poète des années trop tranquilles. Tout le monde a somnolé là-dessus. Ah, oui, surtout dans les feux du purgatoire. Non, c'est les fleuris maudits. Non, c'est il était une fois naïf et du tout. C'est pas un chanteur, ça, Baudelaire. Les fleurs m'a... Ah oui, les fleurs me font mal. Me font mal. Pas me fait mal. Ça, c'est le Québécois qui écrit ça. Les fleurs me font mal. Puis là, son professeur de français a dit, hey, écoute. Écoute, mon jeune, t'es à l'Université Laval, en création littéraire. Puis c'est pas fait mal, c'est font mal. Parce que c'est les fleurs qui font mal. Puis il me semble que c'est, ça se veut être emprunté. Ça se veut pas du tout, c'est emprunté à M. Beaumont. Et monsieur, ça va bien? Oui, très bien. C'est le Beaujolais moineau, là. j'ai mangé trop de plumes. Ah, ça mijote là-dedans. Puis, ah. Faut pas, si tu te passes en dessous du nez, là, tu éternues, puis là, tu dis « Ah, c'est des allergies, ça fonctionne bien. Oh. » Ça peut jamais être bouchonné. Ça peut être plumonné. Ouais, mais j'ai... Hier au soir, là, avant de me coucher, je me rendais compte que j'allais avoir une pneumonie. Faisait froid, faisait chaud, pas dans l'eau, pas dans le bois. C'est pas mieux dans un motel quelque part à Saint-Adèle. C'est un gros perché motel quand tu touches aux demoiselles. Puis en plus, ben, les moustiques, ça pique. Nous trouvons devant une émission bien remplie. On comprend trop bien ce qui s'en vient. Ouais, absolument rien depuis le début. Ça va, OK. Vous êtes sur la même longueur d'onde, la même longueur d'onde, la même longueur d'onde, les flèches tombent, les murs, la main. Ça sert à quoi demander à un parolier de se tortiller l'esprit pour t'écrire des paroles, toi qui les marmonnes, tu dis à peu près ce que tu veux? Ça dépend du moment, ça dépend... De l'endroit, de l'emplacement du micro, de la stratégie des lumières et des musiciens qui sont derrière et qui tentent de m'envoyer quelques harmonies à mon oreille qui me semble un peu trop liquide en ce beau vendredi. Et monsieur, on va passer une chanson, je crois, parce que... Il me semble qu'on n'a pas de parapluie, là. On va se noyer. Est-ce qu'on peut quand même dire à notre public que nous nous trouvons devant une émission bien remplie? Commençons donc à décharger. C'est pas déjà fait? Oh non. Il y a trois camions. Moi, c'est comme un spectacle de Ming Flan. Il y a 63 camions remplis à rabord. Effets spéciaux. En fait, le groupe Ming Flan avait tout ça dans la tête. Ils ont carroché ça dans les camions. Ça en fait des camions. Ming Flan en nom de l'imagination. L'encyclopédie du ridicule nous présente Errance Rinaldienne. Sous l'influence unique du maniaque au micro biophonique, votre arsenic à deux pylônes, le clone de service, le clown Visslard, celui qui jongle sur l'articulation, articulation, il y a art, là, articulation. Articulation, ça, c'est mon beau-frère. Il va pas bien depuis 3 semaines. Ah, mon Dieu, sa femme le trompe, son chien le trompe, son poisson rouge le trompe, son nez le trompe, l'éléphant, le nez trompe. Ouais, détrompez-vous, il va revenir à la surface, comme tous les champions numéro 1. Votre celui qui jongle sur l'articulation, articulation. Alors, encore, on le sait, merci. Avez-vous capté, vous, ce que je voulais dire? Ah oui. Ah oui, ben oui, c'est ça que je voulais dire. Et puis, démo, on va reprendre. Pylône, le clone de service, le clown Visslard, celui qui jongle sur l'articulation des mots, votre immodéré serviteur rénal de gagner. C'est moi! Soyez sans gêne, écrivez-moi, rénal. On peut pas t'écrire? Ben oui, oui. Ah, ben écoutez, j'ai eu l'auto. J'ai fait 3 accidents. Non, l'autorisation. C'est une autorisation moins pire. Hein? On peut pas mourir quand. Ben, quoi que. Autorisation à quoi? À faire quoi? À te lancer en bas du 18e étage? D'écrire des mots d'amour? jour de t'ouvrir un courriel. C'est le dernier des cas. Des Mohicans. Le Mohican, s'il se pose sur le clavier, me vibre dans l'iris et me fait plaisir au cœur. Oh! Alors donc, oui, si vous voulez m'écrire, reynaldquebec@commercial.com. Et les gens se demandaient, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, Montréal? Toi, tu as été animateur de radio, tu as été réanimateur de manio, tu as changé des timoineaux dans les cuves à vin. J'ai été également dans mes trois vies précédentes. Dans l'armée. L'armée qui m'a heureusement gratifié du titre unique, parce qu'il n'y en a pas deux. Unique, quand ça veut pas dire, hein, madame, vous comprenez? Ben, je comprends que dalle, que mal fait de ne point saisir tes lacunes intellectuelles. Oh mon Seigneur! Alors, oui, vous êtes, oui, j'étais. J'étais avec la belle Alicia dans l'armée de bière. Moi qui déchirais le carton de la caisse, qui levait la bouteille, qui la remettait à la demoiselle et qui, elle, débouchait pour les offrir aux militaires. Elle était hôtesse de bière et moi, j'étais dans l'armée de bière. Ah, mon Dieu, c'est nouveau! Ça, c'est des informations que très peu de personnes doivent connaître, donc ça reste entre nous. S'il vous plaît, on n'en parle pas. S'il vous plaît. On dort là-dessus, dort. Alors, Mireille Matteau se veut à la fois bisexuelle, bipolaire et bicarbonate de soude. Mon doux Seigneur! La poêle au la manu, namou, nounou. Eh oui, bicarbonate de soude, parce que elle aime bien dissoudre ses idées et dissoudre son intelligence, quoique elle s'éparpille partout avec un coup de vent, tout est parti. Les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Michel Audiard, merci, on vous aime, on vous embrasse, monsieur. C'est très, très difficile. Pourquoi? Il n'est pas parti? Il est parti. Pour combien de temps? Pour toute la vie. Ah, il n'est pas mort? Il est mort. Ah, oh, mon Dieu. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. On devrait passer à la musique pour venir... ce serait une excellente idée. Mais il faudrait peut-être amener notre clientèle. Oh, notre clientèle! Oh, là, on n'a plus des auditeurs, M. Gagné. Nous avons une clientèle. Effectivement. Ce que l'on adore et que l'on veut saluer de très bas. Alors, j'y vais de très bas. Merci. Peux-tu aller plus bas que ça? Ben oui. Dans le sous-sol. Dans le bas-fond. Oh, mon Dieu. Vers 2h15, nous serons dans le bas-fond. Avec les plumes. Oh, mon Dieu. Alors, aujourd'hui, le vendredi 9 novembre 2012, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Donc, c'est ça qu'il voulait dire. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'homme de radio, Philippe Bertrand. Excusez-moi, M. Bertrand, de vous offrir une émission aussi écartelée. Bien écartelé à Paris, au pompon, c'est péché, en Philippe Bertrand, auteur et animateur de radio et de télévision, est le producteur et l'animateur de l'émission Carnet de campagne sur France Inter, né à Dijon. Dijon. Belle place. Ah, c'est la campagne, les oiseaux. Pas les oiseaux, non, pas les oiseaux, les oiseaux. Les petits oiseaux volent plus haut que les oiseaux rasent le sol et les oiseaux volent vers les nuages, comme les papillons. Quoique les papillons, après 12, ça descend. Pourquoi? Ben parce qu'à 11, ils sont dans une envolée, hein? C'est leur groupe préféré, 11. Papillons. Puis 12, il y a eu puis 14, puis 14, non, puis 13, puis 12, puis 6. Philippe Bertrand, Carnet de campagne sur France Inter. Né à Dijon, diplômé en philosophie, Philippe Bertrand est entré à la radio en 85. Il travaille sur les stations locales de Bourgogne et de Provence, puis arrive sur France Inter en 96. En juillet 2012, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet humaniste des plus chaleureux. Discover basement, him the path of Bhutan. And that's good about the ocean. He no takes Susan. No second option. Into the meat of the hot skin. I don't know how I'm moving. For a guest to do sin. You and I hit sin. Epic and narrow. Shinji Daniel legend. Shinji Daniel legend. Shinji Daniel legend. 2012, この革命の夜にようこそ。ブルーマーブルが回るフロアで惑星マーズより果てにビッグバンで乗らぬみんなへは裁くグッチャイ。何百万光年のディスタンス、ハンドルメダも音に敏感。見せるダイナミックなステージショー。体が感じて乗るだけ、乗れればノリノリ、できれば無理やり。朝から朝までパイに音出して、さらに音出して、ご近所全部巻き込んで炎上。燃えてる乾燥絡める誕生。さあみんな反応、世界が反応。国極とエイジアジャパンから生んでるベースでみんなスタンド。 新時代を押し立てる彼方へ打ち上げる。閉ざされた空が今開かれる。 Days come new movement。 ただ立ち上がるべき時は今だ。今今こそ乗り込み並みな連鎖。戦いの本格を刻むんだ。 深い眠りから目覚める。音で革命をけしかける。バラバラの世界を組み立てる。 Days come new movement。 ただダイナマイトなんかよりも言葉の威力が世界を変える。明かり上がれ、誰も彼も乗り遅れることなく。 Fire fire fire Days come warrior。 くれ大胆ダンサーにクラクラで忍者がブラブラ。散々な世界この三段で発散。判断するガイダンス導く二度ないチャンス。ファイアビューやワンカーのベースメンから参加。宇宙公園対岸にジャッジャンするダンカー。 It's Gameboy 繋げ音から生まれた Respect To this world力を世界へ。 Base Camp Base Camp We gonna rock this world now. Base Camp Base Camp We gonna rock this world now. Yeah, yeah, yeah, yeah. My baby. connu à l'émission. On se tutoie, moi. Vas-y, je t'en prie. Moi, je t'ai écouté lorsque tu as fait Quand je serai grand. Grand, ouais. Et c'est là que j'ai connu. Avec Charlebois. Oui, mais entre autres. Ouais, mais c'est des artistes que je connaissais pas souvent, des Français qui n'étaient pas connus à travers toute la francophonie. Donc, puis même des gens de la politique, des gens de la. Mais moi, j'y allais sans filet. L'audience n'était pas très bonne. Donc, on m'a remercié un peu à cause de ça. Non, mais si tu veux, c'était à l'époque pour une nationale. Ça augmentait un tout petit peu parce qu'ils ont changé les émissions. Mais à l'époque, on avait 200 000 auditeurs. Bon, ce qui était bien. Mais dans les après-midi, on était largement dépassé par les privés. OK. Et moi, j'adore ça, c'est travailler sans filet. Je prépare mon dossier. Je prends rendez-vous, je prépare mon dossier avec une assistante. L'invité vient, je lui dis, vous venez 10 minutes avant, bois le café. On prépare l'émission. Rien. Et donc j'ai eu les très bonnes surprises comme les très mauvaises. Okay. Et les très bonnes. Bon, Charlebois, je connaissais, il aime bien parler et tout. Jacques Higelin, par exemple. Ah, Higelin, oui. Mais Higelin, c'était un coup foireux. Okay. Higelin, je dois aller l'enregistrer chez lui, en fait. Non, dans son studio, il est en train d'enregistrer un disque. Okay. Et finalement, le rendez-vous ne peut pas se faire. Il me donne rendez-vous chez lui. Mm-hmm. Donc je vais chez lui un mois après, ou 15 jours après, à Pantin. Et je suis reçu par quelqu'un de très sympa, que je ne connais pas, donc Michelin. Tu connaissais pas comme ça, mais moi j'aime beaucoup le jazz. Okay. Je suis très jazz et la chanson me fait un peu chier. Okay. Enfin, j'écoute pas beaucoup. Et j'arrive dans sa petite maison de Pantin, puis il me reçoit, il boit une tisane. Et vous voulez quoi? Je dis, bah, je suis pas très tisane. Il me dit, bah attends, j'ai un petit vin là. Bah, je dis, ouais, si tu veux. Hop, il sert le petit vin. On commence à discuter. Alors, tu viens. Est-ce que ça tournait pendant ce temps-là? Non. Okay. Non, hélas. Okay. Mais si je fais pas ça, moi. Okay. J'ai besoin de l'aval de la personne. J'aime pas. Je suis pas scoop, prendre le. À l'insu de quelqu'un. En sachant, ok, ouais. on place le micro, on ouvre. Ouais, non. Mais j'avais mon magnéto avec moi. Okay. Puis on boit un coup, on boit deux verres. Et puis il a un petit jardin, et puis au fond de son jardin, il y a une petite cabane où il a ses claviers, ses DAT et compagnie. À l'époque, c'était des DAT, des CD. Puis il dit, je suis en train de revoir un petit peu tout mon catalogue. Puis voilà. Il me dit, mais tu viens pourquoi? Ben, je dis, pour faire un portrait, comment tu te projetais lorsque tu étais enfant. Et puis, j'ai des problèmes en ce moment. Moi, j'étais en train de divorcer. Ben, je dis, moi aussi, j'ai des problèmes. J'ai dit, ton problème, c'est un problème de cœur. Il me dit, ouais. Mais comment tu sais ça? Je dis, c'est assez simple. Et on continue à se verser notre vin. On est bien. Et on sympathise. Je reste 2 heures chez lui. Et je dis, toi, en plus, ça, je suis honnête, je m'en fous. Je viens te voir, j'ai plaisir à discuter avec toi. Je te trouve vraiment très sympa. Qu'on fasse pas cette interview, c'est pas grave. T'as pas envie de parler, tu te sens pas. Toi, mon micro, je le remise par devant moi et on l'oublie. Une fille à sa fenêtre, moi qui passe, moi l'inconnu, d'un regard je l'ai reconnu. Cette fille à sa fenêtre, moi qui passe, moi l'inconnu. Mille feuilles de platane, parfume un air humidifié, dans la rue un petit curé qui relève sa soutane en courant sur le sol mouillé. postier sur sa bicyclette, sifflotant, se tient d'une main à l'arrière d'une camionnette. Je le suis du regard au loin. Un gros boucher à rayures à la porte du 80, c'est le nom du troquet du coin. Regarde sous sa chaussure, je vais reprendre mon chemin. Quelque part un saxophoniste, un klaxon et des cris d'enfants, un chien aboie tous ces artistes, je les applaudis en passant. Je vais reprendre la route, ma guitare et ma déraison, je repars vers d'autres saisons, je m'étonnerai sans doute plus tard de nouvelles chansons. Une fille à sa fenêtre, moi qui passe, moi l'inconnue, d'un regard je l'ai reconnue. Cette fille à sa fenêtre, moi qui passe, moi bien dire en même temps qu'il est fort probable, si on doit pas tomber dans le chaos, que d'être parti, ça sera encore longtemps nécessaire pour permettre à toutes les sociétés, la nôtre comme les autres, toutes les sociétés humaines qui sont imparfaites, de débattre et décider les corrections et les progrès dont elles ont besoin. Peu importe la forme qu'ils prennent ou les noms qu'ils se donnent, il faudra continuer à avoir des partis afin de permettre aux hommes de se regrouper autour d'idées, à faire valoir et de plus à atteindre, et autour d'une action aussi bien organisée que possible, envie de faire triompher ses idées et de réaliser ses buts. Créer un état souverain de langue française, par une action démocratique constante, constante. Créer un état souverain de langue française, par une action démocratique constante, constante. Le statut particulier, vite statut distinctif, vite statut spécial, vite statut quo amélioré, vite que vous voudrez. Un nouveau pays, y a des gens chez nous qui disent, en mettant ça entre guillemets, faut faire attention à l'électoralisme. Y a aussi des gens chez nous, inévitablement, comme dans tous les pays du monde, qui rêvent à des révolutions fantastiques en dehors de toute action normale. Des révolutions, hélas, qu'on prépare trop souvent dans les maquis confortables du salon, ou encore des gens qui n'ont pas, tout simplement, pas encore accepté d'avoir l'énergie et l'humilité en même temps qu'ils font pour harnacher même les plus nobles impatiences de l'action systématique de persuasion vis-à-vis de l'ensemble de nos concitoyens. Créer un état souverain de langue française, par une action démocratique constante, constante. Créer un état souverain de langue française, par une action démocratique constante. Statut particulier, vite statut distinctif, vite statut spécial, vite le statu quo amélioré, vite que vous voudrez. Un nouveau pays, un nouveau pays. Le statut particulier, vite statut distinctif, vite statut spécial, vite le statu quo amélioré, vite que vous voudrez. Un nouveau pays, un nouveau pays. Tout ce que je peux pour te tirer de là, alors dis-moi. toi c'est trop peu, c'est déjà beaucoup pour moi. Tu as tout ce que tu veux, mais comme tu veux ce que t'as pas. Tu sais même pas ce que t'as et c'est pour ça que tu m'en veux. Ça que tu m'en veux, ça que tu m'en veux, tu m'en veux, tu m'en veux. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, il faut que je te dise. Je crois que tu vas beaucoup trop loin. Quand je sais pas ce que tu veux, je veux bien tout ce que tu veux, mais comme tu veux ce que j'ai pas, je comprends même pas ce que t'as, et c'est pour ça que je t'en veux. J'ai peut-être tout ce que t'as pas, mais comme t'as pas tout ce que je veux, arrête ton cinéma pour toi et moi, ça vaut mieux. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, je sens que je vais piquer ma crise. Denise, il faut que je te dise. Je crois que tu vas beaucoup trop loin. Je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Pour te tirer de là, alors dis-moi ce que tu veux. Si je savais ce que t'as, je ferais sûrement tout ce que je peux. Oh oui, on était invités, puis le spectacle vient de commencer. Et ben enfin, commencer. 49 minutes et si peu de secondes. Si peu, hein. Si vous trouvez que beaucoup est peu, oui, je peux pas aller plus loin là-dedans. À quoi bon faire cette émission? Oh, mais oh! Pouvons-nous analyser cette phrase qui vient d'être énoncée par l'animateur d'Errance Rénaldienne? Qui est-il? On ne le sait point. Final. On n'y retourne plus. C'est terminé. C'est sérieux, hein? Très sérieux. La GRC est sur le qui-vive. Ah, mon... L'équipe Snoit. Snoit. Snoif. Snoil. Snoit. Ni Snoit. Ni Snoit. Ni Swat. À quoi... Swat. Swat, nous continuons. Non, c'est l'équipe Swat avec les camions, là. Masqué, mitraillette. Puis, comment t'appelles ça quand on peut pas tirer dessus? Ben, c'est des fantômes. Ouais, mais des habits de sécurité. Ouais, ou des antibales. Antibales? Moi, c'est anti-rénal. Non, des chemises anti-rénales. Ah, mon Dieu! Pour ne plus entendre les capacités de l'errance rénaldienne qui se faufilent à travers toutes ces... C'est court circuit. Ça va bien? Ça va très bien. Non, je vais expliquer ce qui se passe. Là. L'équipe SWAT. Oui. Je voulais pas parce que équipe SWAT équipée, là, c'est redondant. Ah, très, très, très redondant comme ton émission. Merci beaucoup. Non, mais avez-vous imaginé des individus sortir d'un camion couverts d'une chemise spéciale pour ne pas capter les ondes d'errance rénaldienne, donc de CKRL, histoire de se concentrer sur la mission qu'ils doivent entreprendre. Non, les gens de SWAT, ils doivent. À pied et doigts, ne laissez pas s'attendre. Et que les canards se noient s'ils n'ont pas de pattes palmées. L'équipe SWAT est palmée, là. Et pas calmée, mais est palmée. Ah non, ils sont nerveux. Ils sont très nerveux. Oh, mon Dieu. Là, ils attendent là, que ça sonne. Quoi? Sur l'adrénaline? Sur l'adrénaline. Et c'est là, juste le trrr, ils sortent tout un par un. Mais derrière l'autre, là. Un par un, derrière l'autre, l'autre suit derrière l'un, l'un, c'est la moitié de l'autre, c'est l'autre qui fait chanter, va, de bois fond, c'est là avec les mitraillettes, hein. Mais une derrière l'autre, là, sur la nuque de l'autre, là, il dit avance, avance, puis ils se menacent mutuellement, là. Ils sont 25 gars qui se menacent, avance, avance. Le premier en avant, c'est lui qui gère, là, qui essaye de digérer toutes les balles qu'il recevra derrière le... la pine. Pas dorsale, dorsale. Ah, oh, mon Dieu, la pine dorsale. C'est ce qu'on veut pas avoir. Hein? Quoi de pine dorsale? Non, non, ben on en veut une si on veut se tenir debout. Quoique les gens qui en ont pas, ils sont merveilleux. Hein? C'est pas facile de vivre sans pine dorsale. Mais eux autres en ont une. Ils se suivent et se ressemblent. Avec la même idéologie, il faut la battre. C'est pas très, très, très, très positif. Ah non, mais c'est jamais positif, hein, tout ce qui est répression, cessation violente. Violence, ça va de pair. Déjà là, je vais vous expliquer. Vie. Violence, c'est Claude Nougaro, hein. Vie, voilà, reprendre. Oui. Vie, violence, ça va de pair. On remarque souvent qu'il n'y a pas beaucoup de mères dans des occupations de guerre. Oh, moi, dans mes temps, dans les temps où je cherche à tuer. Le moment présent, ouais. À temps perdu. Oh, l'avez-vous retrouvé? Oh, en lisant Proust, je cherche quelques notions, quelques visions temporelles. Ah, mon Dieu, et puis non. Donc, je vais vers la guerre. Vous êtes une mère? Je suis une mère. Vers la guerre. La guerre, très, très, très sévère. Là. La guerre majeure. Là. La guerre mondiale. La guerre qui n'a pas peur de rien. Aujourd'hui, on ne se présente plus là, devant le citoyen. On a des boutons. Bouton bleu, bouton jaune, bouton vert. Moi, mon préféré, c'est le vert. Oh, ça va partout. Ça va bien? Ça va très bien, merci. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, hein, monsieur? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier, Rénal de Gagné. La seule émission où l'animateur se veut, non pas sur la perfusion, mais sur la supervision. Et monsieur, c'est pas facile! C'est comme le nouvel album de Superbus. Oh! Non, on en parle la semaine prochaine, ça. On se garde ça en cadeau, en bonus. L'appréciation de ce disque. Alors, la seule émission où l'animateur se veut qu'il n'y a personne qui connaît Superbus, ben, hey, voyons! Moi, je tiens à lever la main. Oui. Ben, avant tout, le bras. Mais... En tout premier lieu, le doigt, parce que le doigt est greffé à la main au bras, la main, la main, la main, la main, la main, la main, la main, c'est en... Hein? Oui, je pensais que la caracosse allait tomber. Mais monsieur, réanime-moi ça, sa caracosse-là. Là. Arrête de casser les meubles. Oui, mais c'est en plastique. Oui, mais en plastique. Le plastique peut casser. Là. J'ai des lunettes. Puis la vitre est en plastique. J'ai cassé trois paires de lunettes en plastique. Je suis allé voir ma professionnelle de la lunette. Je rentre de la lunetterie et je dis à la jeune fille, Madame, vous m'avez vendu des lunettes. Merci, bravo, félicitations, belle. Ah, la belle monture noire, hein, qui s'illumine qui s'illumine à la pénombre. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire, pénombre. Il dit, quand tu fais pas clair, comme dans ta tête, actuellement, c'est la pénombre. je peux faire pour vous? Oui, ben, je vais s'acheter des lunettes. Oui, je peux faire pour vous? Ben, oui, je vais vous le dire ce que je peux faire pour vous. Calmez-vous, je peux faire pour vous? Ben, oui, madame. Savez-vous à qui vous, vous faites affaire, là? À vous parler? Vous parlez à qui, là? Que je peux faire pour vous? Renan le Gagné. Oui. Là, regarde dans son petit classeur de mal classé, là. Rénal Gagné. Oui, Gagné, G-A-G-N-A, accent aigu. Gagné, ah oui, c'est pas l'air. Ben non, c'est pas le verbe. J'ai absolument rien gagné, moi, dans ma vie, madame. Je suis né en an zéro. Et j'ai grandi, mais voici maintenant. Donc, Gagné, oui, Rénal Gagné, oui, deux paires de lunettes. Oui, deux paires de lunettes, c'est moi. Rénal, deux paires de lunettes, Gagné. Mais je tiens à vous dire, madame, là, vous m'avez dit en plastique. Les deux paires de lunettes se sont cassées en même temps lorsque je me suis mis à chanter « Toudou, toudou, toudou ». Est-ce que je peux vous les... Non, non, on a 335 000 paires de lunettes, M. Gagné. Gagné. Grenier. Mettez-vous pas à chanter, ça va péter. On va être obligé de fermer. On va mettre le cadenas. Puis si on met le cadenas, c'est... les rats vont joncher le sol. Et ce sera la faillite et... la fin de ma vie, de mon existence. J'ai deux femmes à faire vivre. Oh! Madame a deux femmes à ma faire. Oui, j'ai deux femmes. À... Madame, vous avez... Oui, j'en ai deux. J'ai 8 enfants. Mon Dieu, ça va très bien. Oui, vous peuplez le Québec. Ah, je peuple. Je ne cesse de peupler. Mais continuez à peupler. Alors, vous n'allez pas... Non, jamais, madame. Continuez votre beau travail. Merci beaucoup. La seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse... qui télécharge mes émissions, la Gestapose, c'est-à-dire la police secrète dans tous ses états. C'est sérieux, là. Très sérieux. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions, là. Et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Hey, c'est la première fois. Bon, je suis un homme de théâtre, moi. Je capte toutes les... Ça va bien? Ah, mon dos, il est dans... C'est un coup de foudre! Non, c'est... enfin, presque. Mais c'est pas de foudre. C'est un coup d'élan. Ah, man, c'est quoi ça, des coups d'élan? Bon, on va lire la phrase de Bukowski et l'élan viendra. Oh, au derrière? Non, au mot. Oh, un coup de mot. Ça va bien, ça va très bien. Mais des coups de mot, je n'ai jamais entendu parler. Là. C'est nouveau, ça, là. Ben, en fait, depuis 23 ans. Alors, la phrase de Bukowski, c'est « Le toubib ». Oh, je pensais « Le tourni », comme la chanson de Madame Magny, Claudette Colette, Colette Magny. J'ai le tourni qui me ravit, j'ai le tourni qui me ravit, qui m'envoie sur les sitôt, à ma nettoie, non, non. J'ai le tourni qui me ravit, j'ai le tourni qui me ravit, est-ce lundi, est-ce mardi, est-ce mercredi, jeudi ou vendredi, c'est pas samedi, non, c'est dimanche, alors je m'endors dans le tourni. C'est le tourni, ça. C'est bon, hein? Ouais, j'ai comme un écho au niveau de l'oreille. C'est bizarre, hein? C'est une émission audiophonique. On y va. Là, j'essaie d'enchaîner, mais je trouve plus de... Ah. Alors, on y va avec Bukowski. On y va. Arrête de dire il va pas tomber, là. Le tourni m'a fait un triple prise de sang. Hé, mais t'as peur, hey, oui. C'est pas le tourni, c'est le toubib. Oh! OK, c'est un rire mécanique, là. Mais sur 10, il ne faut pas mettre ça à 10, il faut mettre ça à 5. À 5, ça fait... Le toubib! Oh non, pas le toubib! Non, le tourni, pas le tourni, le toubib! Hein? C'est pas bon, hein? Ça passe pas. OK. Alors, on reprend la phrase de Bukowski. Le toubib m'a fait une triple prise de sang. Moi, qui est un ancien lutteur de la Ligue nationale... Je me suis pris derrière les câbles avec les plus grands. Celui qui prenait mes contrats, là, c'était Eddie Hirschman. Oh, mais c'est qui? Eddie Hirschman. Le vrai, là. Le même Eddie Hirschman qui, dans la vie, en dehors du ring, de la scène, de la lutte, pouvait être virulent. Exemple, et ça c'est vrai, j'en ai parlé à une autre de mes émissions, mais il y a quelques années, 4-5 ans, je vous le rappelle, quand même, il n'y a pas toujours les auditeurs qui me suivent à la lettre, là, comme la petite Podo, Tigu Richard et Rita Biblo. Rita Biblo qui s'est étouffée hier, mais qui elle revient très bien. Hein? Elle a quoi? Oui, elle a la gorlotte fragile. Mais peu importe. Eddie Hirschman. C'était au Québec. À un moment donné, il y a une lumière rouge. Eddie Hirschman est deuxième voiture. Et la première, c'est un individu quelconque. La lumière tourne à la couleur verte. Hirschman klaxonne. L'homme avance pas parce qu'il a des problèmes avec son moteur. Il tente de redémarrer. Hirschman presse encore sur le klaxon. Hein, c'est de la détermination, ça, là. Et c'est menaçable, ouais, mais le gun, avant, je savais pas que c'était Eddie Hirschman, là. S'imaginait que c'était un vieux crétin qui ne faisait qu'envelopper la sonorité de son atmosphère, puis il s'est dit, hey, je vais descendre, moi, là. Non, c'est Eddie Hirschman qui descend de sa voix, de son véhicule. Prend sa canne. Parce que tout le monde connaît ce grand homme. Et là, se présente devant le chauffeur, près de la porte, et frappe dans la vitre du chauffeur en disant « Tu vas avancer! » Puis là, le type, il dit « Hein? C'est Eddie Hirschman! » Là, il prend la canne, Eddie Hirschman prend sa canne, il frappe sur la vitre avant. Fais donc ta sauce à spaghetti, Marita. Ben là, ça fait 2h30 que je tourne. Mais de la boulette. Ah ouais, ben là. J'ai de la boulette qui tourne. J'ai de la boulette qui tourne en rond. Non. C'est une chanson à raconter. J'ai la boulette qui tourne. J'ai la boulette qui tourne en rond. C'est ça que j'ai voulu dire, mais ma fourchette s'est enrobée dans un steak haché. Alors, je vais reprendre. À l'unisson, quoi qu'il n'y a plus de son, hein. il n'y a que du poivre. Puis là, si j'en mets trop, ça va devenir pâteux. Ne jamais mettre trop de son dans sa sauce. Je connais la sauce claire. Non, mais là, c'est la sauce pâteuse. Trop de son là-dedans. Ça devient boiteux. Non, mon, c'est comme le parti politique. Quoi que. On y va avec là, elle tourne. J'ai la boulette qui tourne, j'ai la boulette qui tourne en rond. Là, Eddie Hirschman n'arrête pas de frapper sur la vitre avant, puis là, le chauffeur, inquiet pour sa vie, là. Il s'est dit, vais-je trépasser? Ah, je n'ai pas encore lu les grands titres de l'actualité. Je n'ai pas vu encore le dernier film de Jean-Luc Godard. Et encore, je tiens à me confesser, je n'ai point entendu le nouveau groupe québécois. De ces deux, sont 350 000. Ben ouais, t'es-tu malade, un groupe de 350 000. Ils ont pas eu de budget. Non, mais moi, quand je les vois, là, ça strip, ça détrip, ça quadrip, ça damite, ça grippe après moi, puis ça me dit, parle de nous. Tu parles de Machine Gun Susie? Oui, mon enfant, je parle de Machine Gun Susie. Qui m'est arrivé? Oui, bonjour, là, je viens de faire une... Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Moi, très, plus que bien. Même lui, on ne sait pas, là, vous? Ah oui? Ben oui, ça va bien. Ouais. Mais vous m'avez amené un disque, ma chère dame, hein? Ouais. OK. Êtes-vous là? Ouais. OK. Hier, Gaétane m'est arrivée en larmes en me disant que vous avez été un peu directrice. Ouais. Directrice, en fait, d'école. Ouais. Bon. Mais là, maintenant, vous êtes une femme qui adorait la musique et vous voulez la faire connaître de tous. Ouais. Bon. Et vous êtes, vous nous avez présenté à nos studios l'album de Machine Gun Susie. Ouais. Bon. Mais merci, madame. Là, moi, ce que j'ai eu, c'est un papier brun plié en deux avec un ruban adhésif. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant puisque je me dis qu'en 2012, il faut être de son temps. Ne pas toujours avoir le concept là, de l'album avec le plastique, ouvrir l'album. Non, c'est très, très bien. C'est, leur idée est biodégradable. Leur chanson, nous allons l'entendre dans quelques secondes. Je ne sais même pas de quoi il en retourne. Je n'ai jamais entendu l'album. Je l'ouvre devant vous. Je la place sur la platine. Ça a été fait manuellement. Puis même sur un CD, on fait pas la publicité du CD. Non, non, non. Juste de Machine Gun Susie. Et je tiens à dire à la demoiselle qui l'a écrit, elle a une très, très belle main. Elle a sans doute étudié l'orthographe. Ben oui. Elle a des cours de français. Ben, j'espère. Oh, c'est au moins secondaire 4 réussi, ça, là. Non, c'est un cégep université en création littéraire. Ah oui, vous voyez. Ah, il y a la poésie à travers les mots. L'écriture est très finement écrite. Et monsieur... Madame? Ouais? Avez-vous aimé l'album? Ouais? Là, on va en entendre une pièce. Puis on va se faire une idée. Puis ensuite, on enchaîne avec le reste de l'émission. Alors, c'est pour nous une aventure. Donc, comme l'émission se veut comme ça, en avant la musique! Robin Bourragé. Roman Bourragé. Mais non, il y a des difficultés encore pour dire Roman. Ouais, Robin. Roman. Pourquoi Roman? Alors, il paraît que c'est grâce à Roman Polanski, qui était un ami de mon père et de ma mère, et ils ont féminisé le prénom. Et... Ouais. C'est bien, Roman. Ouais. Comme une église, Roman. Très content de mon prénom. Ouais. Vous connaissez la Roman? Un petit peu, oui. À propos de Roman romantique, Reynald au Québec nous envoie un message. Il nous envoie plusieurs textes, hein, c'est vraiment message, hein. Indécodable. Alors celui-ci, il est décodable. Mademoiselle, alors elle, A-I-L-E, aux douces ailes, Esbo, une ville la nuit pour un fauve, une féline si divine. Et c'est Reynald, il s'appelle Gagné, donc vous avez gagné, je sais pas quoi, bah, l'estime de Roman, de toute évidence. C'est très joli, très joli. Alors, il y a beaucoup d'images qui viennent tout de suite. Reynald est un habitué internaute, il est épicier à Québec. Et voilà, il envoie un message qui s'intitule « Mon Robert ». Sous les robes poétiques et le rock, aussi folk que sa génétique, Robert, le grand Robert, fait feu de tout bois, l'incontournable Charlebois. Il reste dans le petit Robert, j'espère. Madame Bertrand, je suis un jeune veuf de 54 ans, catholique et bon pratiquant. Dans mon tourment, suis une maman pour mes enfants. Claude et Armand, âgés d'11 et 12 ans. Madame Bertrand, je suis une brunette de 45 ans. Un peu grassette, j'adore les enfants. J'aimerais bien connaître un veuf ou un célibataire, distingué avec des bonnes manières. Madame Bertrand, main dans la main, nous marcherons. Tout partout, Madame Bertrand. Le reste d'année, nous resterons couchés. Madame Bertrand, je suis parfait bilingue, j'aime le bowling, les bons programmes, la danse et le cinéma. J'ai un bon salaire, j'ai des économies ainsi qu'une autoclaire aventurière, prière de s'abstenir. Nous irons tout partout. Il reste l'année, nous resterons couchés. Bertrand, humblement, je me considère honnête, propre, fidèle, compréhensif, sobre, affectueux, sentimental, délicat, respectueux, sincère, travailleur, avenant, polygalant. Je ne suis pas grand. Elle me dit, je me souviens jamais des noms des journalistes. Et toi, c'est... Oh, Philippe. Ah, c'est ça, Philippe. Et donc, un mois après, je dis, quand même, je vais le relancer. Quoi. Et donc, je l'invite en studio, là, parce que j'étais obligé de faire en direct. Et il dit, bah, je viens, puis il descend les escaliers, arrivé à la radio. Ah, Philippe, c'est toi. Ah, viens, Jacques. C'est comme ça. Mais j'aurais pas dû le tutoyer, parce qu'à l'antenne, on tutoie pas, en général. Non, mais c'est... Parce que c'est exclusif. Okay. Tu tutoies ton interlocuteur. Je te vous vois, ouais. Ou je te vous sois, ouais. Si on parle correctement français. Ouais. Si je te vous sois, dire tu es quelqu'un, mais tu es mon interlocuteur, et les auditeurs sont pris dans cet espace-là. Si je te dis tu, on... C'est trop direct. On évince un petit peu. Alors l'auditeur peut dire, ah, il y a une vraie connivence entre eux, okay. C'est vraiment sympa. Okay. Mais en même temps, il nous exclut du dialogue. Donc c'est une vieille règle chez nous, on vous voit. Mais là, il me dit, je joue comme ça, toi. Je fais un peu le malin et tout. Mais il a lâché deux ou trois choses vraiment sympas. Mais j'ai eu deux ou trois révélations avec des personnes qui étaient assez, assez réputées pour être fermées. Et moi, je me souviens d'un comédien, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle... mais j'avais des gens pas connus, heureusement. Qui s'appelle Nils Arestrup. Nils Arestrup est assez connu pour être fermé, assez violent. Ok. Il avait eu une vieille histoire avec Myriam Boyer, ouais. Avec qui il avait joué au théâtre. Ouais. Et pendant les répétitions, il s'était fâché, il lui avait donné une baffe, une gifle, ouais, ouais. En pleine gueule, vraiment. Elle s'était plainte dans la presse, etc. Ouais, ouais. On disait, ouais, Nils Arestrup, vraiment, vieux con. Et là, il me parle de son père, gauchiste, ouvrier, lui qui ne sait pas ce qu'il va faire, il va aller à l'usine comme son père. Il y a 18 ans, de l'autre côté du boulevard, il y a une petite école de théâtre, il y va, par curiosité. Et il va faire ça. Et à la fin de l'émission, il a été absolument délicieux. Je dis, Nils, c'est simple, si vous me permettez, vous êtes comme le vin. En vieillissant, vous vous bonifiez. Moi, j'ai découvert quelqu'un, j'ai eu des mails, des courriels d'auditeurs disant, ouais, Arestrup, on ne le voyait pas comme ça, il est génial. Il fait une lecture à ce moment-là des lettres de Rilke à l'espace Molière à Paris. Il a le Molière de la meilleure pièce, enfin la meilleure lecture, je ne sais plus ce que c'était. Enfin, il a un Molière. Et il va prendre son Molière, son Golden Globe théâtre en France, et il dit, je remercie l'enfant que j'ai été. Là, tu te dis, merde, ça a fonctionné. Toi, la rencontre. Oui. Et après, il se met à la réalisation. Il fait deux excellents films. Il prend des rôles exceptionnels où il joue merveilleusement bien. Et la carrière, je ne dis pas, c'est pas grâce à moi, c'est une période charnière. Et je suis tombé à ce moment-là. Et Nils Arestrup. Mais quel film? Alors, il y a eu un film qui était primé à Cannes. Sur la prison il y a 2-3 ans. Merde. Le mur ? Ça va me revenir. Mais vraiment qui a explosé. Comment il s'appelle ce film ? Je crois que c'est un film de Jacques Audiard. Jacques Audiard, ah ouais. Qui était primé il y a 2 ou 3 ans. Oui, je sais qui. Ah oh, oui, c'est un monsieur. Oui, je le connais. Oui, je sais qui c'est. Oui. 60, 30, ouais. Cheveux longs. Absolument. Oui, je sais. Oui, j'ai vu le film. Ouais. Oh, oui. Bah, écoute, il a vachement bien marché. Ok. En sautant la barrière, sa robe s'est déchirée. c'est déchiré. Ma robe s'est déchirée. Vous tirez à votre mère, oh yes, un bichon, ma chemise de velours, il fait sa voile hier à soir. Vous tirez à votre mère, c'est votre cavalier. Kind of crazy in a mix-up kind of way. Stop tired of kissing. This is what they say. They say please, honey. They say don't, sugar. They say stop, baby. They say please don't stop making love to me. They say please, I'm only see you to the door. They say don't, I try to kiss me once more. They say stop, more. They say please don't stop making love to me. Right. In close and they pretend to turn away, but they never mean it whenever they say. They say please, I'm gonna see you to the door. They say don't, I try to kiss me once more. They say stop, they say please don't stop making love to me. They say please, you know you're driving me mad. They say don't, why must you be so bad? They say stop, I'm gonna tell you dad. They say please don't stop making love to me, girl. Thank you. kind of crazy in a mix of sort of way. Don't ever pay attention whenever they say this. Say, please, I'm gonna lead you to the door and say, don't try to kiss me once more. You say, stop, give me no more. Say, please, don't stop making love to me. They say, please, you know you're driving me mad. They say, don't, why must you be so bad? They say, stop, I'm gonna tear you down. They say, please, don't stop making love to me. They say, please, don't stop making love to me. Please, don't stop making love to me. Please, don't stop. Please, don't stop. C'est très simple. Si tu veux, moi j'ai eu la chance de vivre dans un petit village. Mes parents étaient des petits fonctionnaires de ce village. Et j'avais un frère qui est hélas décédé, mais un frère qui avait 8 ans de plus que moi, qui voulait faire du cinéma. Et quand je suis ado, j'ai mon frère qui travaille dans la boîte de Claude Lelouch à Paris, qui vient avec les caméras 16 mm, qui fait des courts-métrages. Et moi, le premier Nagra, le premier magnéto professionnel que j'ai, c'est par mon frère. À 16 ans, je fais de la prise de son, sans savoir que je vais faire de la radio plus tard. Okay. Et je fais de la prise de son avec un Nagra professionnel. Et son meilleur copain de l'époque, qui est arrivé à Paris en même temps que Charlebois, parce qu'ils sont connus, okay, c'est un plasticien français qui s'appelle Bertrand Lavier. Okay. Qui vit dans mon village, Aignel-Duc, 350 habitants. Et tous ces catalogues, s'ils se vendent dans le monde entier, tous ces catalogues, c'est Bertrand Lavier, vit et travaille à Aignel-Duc. Et il arrive dans les années 70, Charlebois commence à faire carrière, à se faire connaître un tout petit peu en France. Ils se rencontrent plusieurs fois, et mon frère les rejoint. Et il va faire des courts-métrages, après il va prendre un angle que finalement j'ai repris après, qui est très militant. Il avait créé une coopérative de production images au Brésil, à Recife, à Olinda très exactement. En suivant, en faisant du journal d'information locale, diffusé sur écran, après ils ont fait des productions culturelles, musicales. Lénine vient du Pernambouc, du nord-est brésilien. Tout ce mouvement musical est né là-bas. Mm-hmm. Et donc il a fait les premiers clips. Et j'ai rencontré Lénine pour la première fois il y a 15 jours. Ok, non. Je sors d'un studio avec un ami musicien et il me dit, dis donc, c'est Lénine qui sort là. Tu le connais? Il me dit non, le guitariste aussi. Je vais te le présenter, mais je ne le connais pas. Alors j'y vais, et Lénine bargouine deux mots de français, puis je dis Lénine, je voulais vous saluer, te dors bien, comment va? Je présente Titi Robin, ah ouais, ah bien, et tout. J'ai dit Lénine, mais tu viens de Recife. Mais mon frère vivait à Recife et faisait des clips. Didier, c'est le premier clip vidéo qu'il a fait. Ah, oui. L'émotion, là. Mm-hmm. Oh. C'est incroyable. Mais c'est tout. Enfin bref. Et donc le copain plasticien jouait un peu de piano jazz. Okay. Sur un vieux piano droit dans sa maison. Et mon frère l'accompagnait à la batterie. Enfin, il avait un petit tambourin. Il s'est acheté une paire de balais. Il y a la petite cymbale attachée après un barreau de chaise avec un lacet et puis moi je suivais. Okay. Et quand ils arrêtaient, je me mettais au piano, je jouais un petit peu de ballet. Et première chose que j'entends, c'était le Nes Monk. Et donc à 14 ans, je découvre Monk. Ah, c'est un coup. C'est le premier? Oui. Ah oui, franchement. Non, mais j'ai placé Monk comme ça par hasard. Mais Monk, c'est... C'est un monk. Oui, oui, oui, c'est la révélation. Alors, tu as vu le documentaire de Clint Eastwood? Oui. OK. Ouais. Incroyable. Ouais. Ouais. Mais si tout y est, c'est quelqu'un qui joue... si tu regardais les partitions de Monk, il n'y a pas de barre de mesure. Mm-hmm. Tu joues comme tu veux, mm-hmm, au rythme que tu veux. C'est quelqu'un qui casse complètement les harmonies. Il me fait penser à un équivalent français dans un autre genre, c'est Rick Satie. Ah oui, oui, voilà. Oui. Moi, il y a Monk et Satie. Oui, l'impro. Enfin, c'est la même chose. Ouais, Satie, il n'y a pas de barre de mesure, en fait. Non. Enfin, Monk, si, avait une écriture voilà, rapide. Il joue en ré mineur, en do majeur. Bon, il fait l'écriture américaine et tout. Quenching of a flickering of this too, this too. stays the same all the time. Lie in wait, it could stop again like a bee. It will die when it stings you once, and its small bee's head will fall off. Entre-temps, il avait réalisé des films et toi, c'est explosé comme ça. C'est pas, je suis pour rien, mais bon. Mais ça arrive à ce moment-là. Et puis peut-être qu'il y a des déclics, toi, il y a des choses qui se précisent dans sa tête. Et j'ai gardé un souvenir absolument remarquable, touchant, sincère. Moi, j'avais peur. Hein. Je fais ma présentation. Le mec arrive 5 minutes avant, vous buvez un café. Ouais. Bon, comment je fais mon petit chapeau et tout, j'ai. Derrière, si ça passe pas, j'ai 50 minutes d'émission en direct. Et Charles Bois, je n'avais jamais rencontré, mais j'ai un vieux souvenir dans ma campagne. J'ai des copains qui sont fans dans mon village de Charles Bois. Quand j'étais môme, je voulais être musicien. Il y avait un orchestre de bal qui jouait du Charles Bois. Et mes copains, qui étaient un peu plus âgés que moi, écoutaient. Oh, Lindbergh, c'était. On l'écoutait en boucle, toi, sur le 33 tours, parce que maintenant ils disaient vinyle. Moi, j'appelle ça encore des 33 tours. Et quand je vois Charlebois, quand Charlebois accepte de venir, tout remonte. Je fais un petit papier comme ça. Et je lui dis, tu sais, en plus de ça, chose incroyable, je m'appelle Bertrand, qui a un nom commun chez nous. Oui, oui. Est-ce qu'il l'a fait, un spectacle? Oui. Madame Bertrand? Oui. OK. Sauf que ma mère était très malade. OK. Et je ne suis pas allé au spectacle. Et les copains sont allés au spectacle. Il n'a pas dit pour Philippe Bertrand, évidemment. Il a dit, bon, normalement, je ne l'ai pas dans mon répertoire en ce moment, mais je vais vous chanter Madame Bertrand. C'est bon. En plus, là, des amis qui t'ont dit que et c'est un bonhomme qui est quand même. Mais en revanche, après, tu vois, c'est pas critique, mais c'est normal. Oui. Ah, mais Desjardins, c'est autre chose, c'est un militant, c'est un vrai de vrai. Mais est-ce que tu l'as rencontré en studio ou au contraire, tu l'as suivi quelque part? Tout le temps en studio. Okay, okay. Ah, ouais. On ne bouge pas, on n'a pas de moyens. Okay. Mais Desjardins, oui, c'est un vrai. C'est un vrai, c'est une personne géniale. Il se bat contre la déforestation, c'est un véritable écologiste, c'est quelqu'un qui est dans un mouvement très très fort depuis longtemps. Mais chez nous, ça vient. Mais chez vous, c'est été un précurseur et vraiment un militant. Donc Richard Desjardins, il ne triche pas, ça c'est clair. Quand il parle de la Bitini, t'as compris. Enfin, tu touches pas. Quoi. Tout est là. Il a raison. Oh, oui, il a raison. Oui, oui. Mais le travail que tu fais à la radio t'a fait grandir. En rencontrant des gens, tu apprends d'eux. Mais si tu veux, tu grandis plus. Je minimise pas les choses, mais je relativise. C'est sympathique, mais. Moi, je n'ai pas une vie de star. Je ne vis pas avec des stars. Je ne suis pas mondain. Ces rencontres, elles te sont agréables. Il y a certains avec lesquels tu gardes un contact, mais tu vas pas faire une fête le samedi soir avec eux. Tu vois ce que je veux dire. Je ne vis pas dans ce monde-là. Moi, mes copains sont dans mon village. Quoi. Je la joue pas. Je la joue pas Cosette, pauvre et machin, mais... Moi, je tiens à ça, quoi. Je m'en fous. Paris, je m'en fous. La gloire, je m'en fous. Mais on voit aussi que tu n'es pas rattaché à Paris en tant que tel. Hein, parce que la dernière fois, on devait se rencontrer l'année dernière, puis tu dis non, je dois m'en aller. Là. On sentait que la soupape... Je me souviens, c'est une période où je travaillais en mois d'août, j'avais des congés au mois de juillet, puis je vais rester un tout petit peu. Et je suis divorcé, donc j'ai mon fils, que je vois de temps en temps. Et à ce moment-là, j'ai mon fils deux jours avant qui arrive. Et j'ai dit, Reynald, je suis désolé, mais je vais en Bourgogne dans mon village. Oh, oui, ça sentait. J'ai mes instruments de musique, la maison familiale et tout. Tu fais de la musique? Ouais. Tu fais de la musique? En amateur. Du jazz? J'essaie. Ok. Okay, mais... I try. I try, oui. Stealing the sense of us, the pain of life. the girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. She told when she was young that pain would lead to pleasure. Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl. L'interprète comme tu veux en fait. Et Satie, oui, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de barre de mesure sur ces compositions. Tu joues à la vitesse que tu veux. Et c'est des trucs. On est quand même dans une période surréaliste. Quoi. Des morceaux en forme de poire. Des morceaux en forme de poire. Mais c'est le Paris des années 20 et des années 30. Où tu as Cocteau qui monte un opéra, qui s'appelle Opéra. Les décors sont signés Picasso et la musique est d'Eric Satie. Ah ouais. T'imagines ? C'est vraiment... des artisans. Ah oui. Ils logent là, mm-hmm. Ils ont 2 francs 6 sous. Vous voulez bien me faire les toiles de décor de mon opéra ? Oh, pas de problème. Ouais. Oh, ouais, petit, je vais te faire ça. Ouais, pas de problème. Oh, un petit espagnol qui peint comme ça. Eric Satie. Qui bouffe des gâteaux chez les bourgeoises d'Arcueil où il va jouer du piano le dimanche soir. Mais la France était très, très amoureuse de jazz à une certaine époque. Ouais. Il y avait même plusieurs petits bars. Ouais. Oh non, allez-y. Allez-y. Vous n'avez pas de sucre ? Oh là là. Quel oubli. Quel oubli. Ouais. Alors à Paris, il y avait plein de petits bars. Ouais, ouais. Alors, j'ai découvert récemment que il y avait Paris, mais il y avait Copenhague. Ah, ok. Copenhague était, dans les années 30, le centre européen du jazz. Ok. Et après, dans les années 50, au moment où s'ouvre le Jazz Montmartre à Copenhague, qui est le grand club de jazz, en 59, tu as Dexter Gordon qui vit à Copenhague. Okay. Stan Getz vit à Copenhague. Sad Jones vit à Copenhague. Il va diriger l'orchestre de jazz de la radio danoise. Mm-hmm. Et tu as tout un maillage, enfin réservoir de musiciens américains qui sont installés au Danemark. C'est incroyable. Ah ouais, c'est... Et qui va donner les grands musiciens, Ina Chopé, contrebassiste, etc. Ça, c'est incroyable. En France, il y a ça. En France, ils sont. Il y a quelques-uns qui viennent vivre là. Mais ils sont un peu ringues. Ils jouent du jazz New Orleans. Ouais. Okay, ouais, ouais. C'est au caveau de la Huchette. C'est un peu ringard. Enfin, pour moi, c'est un jazz que j'aime pas. Je ne supporte pas. Okay. C'est le Front National du jazz. Toi. C'est... Okay. Est-ce que tu te produis quelquefois avec. Non ? Tu es amateur. Ben oui. Dans des bazars, dans des. Non, ok. J'ai une batterie à la campagne. Non, mais j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas l'expérience pour. Quand j'étais étudiant, j'avais fait un groupe rock, tu vois. Ok. Non, mais j'ai des claviers, j'ai une batterie, je me mets à la guitare depuis un an. Mais à l'origine, ce qui t'a amené à la radio, c'est quel... Ben, j'étais étudiant à Dijon en philo sur le campus. Okay. Et il y avait une radio qui existe toujours, qui est un réseau, les radios campus, okay. Les radios universitaires. Oh, oui, comme on est ici. Et j'ai fait une émission, j'étais amoureux de la fille qui s'occupait de ça. On a vécu d'ailleurs deux ans ensemble. Okay. Et ça me tentait. Okay. La première fois que j'étais derrière le micro, la révélation. Mais j'ai mis du temps. Je suis pas pressé. On t'a complimenté, sans doute, on te dit assez... Ouais, ça passe bien, mais j'étais paniqué. Quoi. Je lisais mon truc, okay. Au mot près. Oh, oui, t'étais très... Il faut poser studieux. La voix, donc... Jean-Pierre Marielle, bonsoir. Ah oui, oui, ça c'est la voix. Ouais, c'est comme Galabru. Exactement. Et puis finalement, non, j'ai continué mon cursus universitaire, je continue à faire mes petites émissions. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now, but now these days are gone, days I'm gone, not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Thank you.